est comme le miel, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les nuances vont et viennent, argentées comme la lune et dorées comme le miel, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les nuances vont et viennent. Comme la châtaigne, cristallin comme le verre, couleur nature, la vie, la mer, couleur foncée ou couleur claire, bronze cuivré comme la châtaigne, cristallin comme le verre, couleur nature, la vie, la mer, couleur foncée ou couleur claire. Fascinante.